Sri Punja. La vérité est. Traduction de Bruno Léger. Chapitre 1. Vous êtes l'amour dansant en tant que vacuité. Première partie. Namaskar. Avant le commencement, vous êtes pure conscience. Vous êtes la plénitude de l'amour dans l'amour et la vacuité de la présence. Vous êtes l'existence et la paix au-delà de la paix. Vous êtes cet écran sur lequel tout est projeté. Vous êtes la lumière de la connaissance, celui qui a donné le concept de création au Créateur. Oubliez ce qui peut être oublié, et sachez que vous êtes ce qui ne peut jamais être oublié. Vous êtes le substrat sur lequel tout bouge. Laissez-le bouger. Vous êtes le présent. Vous êtes l'instant présent. Quel « moi » pourrait exister en dehors de ce présent? Vous êtes la vérité, et seule la vérité existe. Vous êtes l'inactivité. L'activité est votre reflet, votre jeu, votre monde. Le soleil est inactivité. Les miroirs sont activité. Vous êtes ce moment précieux, la présence même. Tout souffle qui vous touche sanctifiera même les démons. Vous êtes celui qui est conscient de la présence des objets et des idées. Vous êtes celui qui est encore plus silencieux que la conscience. Vous êtes la vie qui précède le concept de vie. Votre nature est silence et elle n'est pas atteignable. Elle est, depuis toujours. L'espace a été votre premier concept, et vous avez pris Sat, Chit, Ananda, l'être, conscience, félicité, comme votre première forme. Le monde est votre mental, et il surgit, tout entier, de votre cœur. Ici et maintenant est votre cœur. En tant qu'amour, vous demeurez dans la caverne de ce cœur d'où proviennent le temps et l'espace. Vous êtes l'intérieur qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Le mental qui ne se pose nulle part est l'intérieur. Aucun mur n'est à l'intérieur. Vous êtes l'existence dans tous les atomes. Connaissez cela et vous serez comblé. Vous êtes la vacuité, la substance ultime. Retirer la vacuité de la vacuité ne laisse que la vacuité, car il n'y a rien au-delà de lui. Tout surgit de lui, danse autour de lui et retourne à lui. Tout comme l'océan s'élève en vagues pour danser, vous êtes cette vacuité dansante. Rien n'est en dehors de cette vacuité, C'est donc la plénitude. La vacuité se situe entre l'être et le non-être. Pour être libre, vous devez avoir la ferme conviction que vous êtes ce substrat, cette paix, cette vacuité. Vous êtes ce dans quoi tous les événements se produisent. Ce qui arrive doit arriver. Alors restez imperturbable comme la paix. Soyez paisible et cette paix se répandra. Ce qui surgit de la paix est la paix, et ce qui surgit de la confusion est la confusion. Soyez donc la paix et donnez-la à l'univers. C'est tout ce que vous devez faire. Même penser « je suis la paix » perturbe cette paix. Alors soyez simplement silencieux. Soyez tel que vous êtes. Vous êtes l'être, sans passé ni futur, juste l'être. Vous êtes l'intemporalité dans laquelle aucune mort ne peut entrer, car là où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mort. Cette intemporalité est le maintenant et c'est l'être. L'être brille toujours. Je suis est la lumière de l'être. Ce diamant ne peut se cacher et ne peut jamais être caché. Quand le mental est au repos, son visage brille de beauté et d'innocence. Restez simplement silencieux. Soyez simplement vous-même. Vous êtes l'espace qui jamais ne bouge et jamais ne voyage. L'espace intérieur et extérieur n'existe que par son nom et sa forme. Supprimez cette forme de votre mental en supprimant l'attachement à tout objet, pensée ou action. Vous êtes le jardin de la joie. Pour être heureux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Vous êtes dans le jardin de la joie, mais lorsque vous pensez au passé, vous devenez triste. Cette joie, cet instant, détruira le mental et la souffrance, car cet instant est félicité. Alors, pour éviter de souffrir, cessez de vous replonger dans le passé. La conscience non conditionnée est félicité et tranquillité lorsqu'il n'y a ni quand ni où, juste maintenant. Cette félicité conditionnée par la pensée devient le mental. Même le « je », le premier conditionnement, est une perturbation de cette félicité. À cause des désirs et des espoirs de l'ego, personne n'est heureux. Donc, pour atteindre le bonheur, ne pensez pas, ne donnez pas naissance à un désir, restez simplement silencieux, car la pensée est votre tombeau. Pour être heureux, vous devez renoncer aux possessions, sinon vos poches sentiront le poisson mort. Mon cher ami, le bonheur n'est pas une expérience, c'est votre nature. Vous n'avez donc rien à faire pour l'obtenir. Seule la connaissance du soi apporte le bonheur, car le bonheur est la nature du soi. Ici se trouve le nectar que personne ne connaît. Tout est ici. et c'est la conscience. La conscience est le substrat de tout dans l'univers. Elle, donc vous, réside dans chaque atome de chaque molécule, et même l'espace et le temps tirent leur existence d'elle. Qui est conscient qu'un corps et qu'un esprit vous habillent, et que le mouvement de la naissance et de la mort se trouve dans cette même conscience? Vous êtes cela, faire tout et ne rien faire. La multitude et l'unité sont dans la conscience. L'esclavage consiste à nier cela. La liberté à le savoir. Vous êtes cela. Vous êtes cela. Conscience. Les sens ne peuvent pas la ressentir, ni le mental la comprendre. La conscience seule est partout et s'élève en tant que je en vous. Elle est l'éclat du soleil et le mouvement de la terre. Elle est au-delà de l'espace et du temps qui tirent leur existence d'elle. Le mental ne peut la toucher ni l'atteindre, et il la manquera s'il tente de la trouver. Par ses mouvements, il ne fait que cacher le silence. Il n'y a qu'elle-même qui peut se trouver lorsque le mental est en paix. Observez tous les mouvements de votre mental pendant un instant seulement. Arrêtez tous vos désirs et toutes vos pensées pendant une seconde seulement. En particulier la première pensée « je ». Et vous serez libéré à jamais du cycle de la naissance et de la mort. Ce cycle est le samsara, votre propre imagination. Il n'a pas de commencement et seule la connaissance du soi peut y mettre fin. La question « qui suis-je ?» y mettra fin. Décidez donc fermement « je dois le faire, maintenant ». Cette naissance humaine est une telle bénédiction. Ne la gaspillez pas. L'atermoiement est le samsara, le cycle de la souffrance. Chaque fois que vous êtes en difficulté, demandez-vous « suis-je en train de rêver ?» ou encore « qui suis-je ?» Et cela vous réveillera. Et vous tomberez amoureux de votre propre soi. Alors vous connaîtrez tous les autres. Et cette lumière vous accompagnera où que vous alliez. Restez silencieux. Ne pensez pas. Ne faites aucun effort. Être enchaîné demande des efforts. Être libre n'en demande aucun. La paix est au-delà de la pensée et de l'effort. Ne pensez pas et ne faites pas d'efforts. Vous ne feriez qu'obscurcir cela, sans aucune possibilité de le révéler. C'est la raison pour laquelle demeurer en silence est la clé du trésor de l'amour et de la paix. Cette quiétude est non mentale, cette non-pensée est liberté. Identifiez-vous à ce néant, à ce silence, éveillé à ne pas en faire une expérience, car c'est le mental qui vous trompe avec le piège de la dualité, le piège du témoin et de ce qui est vu. Être, c'est être, sans sujet ni objet. En faire l'expérience, c'est dire « je suis libre ». ce qui est exactement le même piège que de dire « je suis enchaîné ». Après avoir lâché prise sur l'objet, ne vous accrochez pas non plus au sujet. Lâchez prise. Soyez silencieux. Le but de la vie est d'être en paix, d'aimer tous les êtres et de savoir qui vous êtes. Connaissez votre soi et vous connaîtrez tout. Seule existe cette pure connaissance, seule la vacuité est. Comment sortir de cette vacuité si elle ne possède pas de limite? L'apparition d'une manifestation n'est que la lila, le jeu de cette vacuité. Sachez qui vous êtes, ici et maintenant, en restant simplement silencieux. Vous êtes cet instant. Faites connaissance avec lui. Ne liez pas votre mental à une quelconque direction. Pas de sadhana, pas de passé, pas de futur, pas même le vide de votre cœur, pas même l'espace. Pour être libre à jamais, faites connaissance avec cet instant. Cet instant est toujours cet instant. Il ne changera pas. Il est liberté, dégagé du mental et des concepts, et c'est votre droit fondamental dès la naissance. La meilleure façon de goûter cet instant est de s'y plonger complètement. Restez silencieux. Vous êtes à l'intérieur de l'intérieur. Ne vous attardez nulle part et ne faites aucun effort. Le concept d'effort et de pratique est un esclavage. Restez simplement silencieux. Où que vous soyez, restez simplement silencieux. Le nom et la forme cachent la réalité. Tel est l'enseignement. Donner un nom et une forme est un obstacle à la liberté, car alors le substrat, la conscience, ne peut être vu. Nommez une statue de cheval, statue de cheval, et le granit est caché. Regardez la bague, et vous ne verrez pas l'or. Le nom et la forme ne peuvent jamais quitter la conscience, tout comme la bague ne peut jamais quitter l'or. Même l'espace est dans cela, car seul le soi est. Avant qu'une vague ne se lève, c'est l'océan. Avant que le désir ne bouge, c'est la vacuité. Détruisez le désir et l'esclavage en vous identifiant comme expérience et non comme expérimentateur, comme vision et non comme celui qui voit. Vous êtes la conscience et non celui qui est conscient. Pour être libre, vous devez être comme la liberté, donc exempte de désir. Tout est et se dévoile en l'absence de désir. Si vous souhaitez ne rien posséder, retirez vos poches, qui sont la dualité. Le passé est passé, alors ne le portez pas dans votre poche. Pourquoi aller au cimetière quand vous savez que vous êtes vivant? Tout ce qui est temporaire doit être rejeté. En conséquence, ne vous accrochez qu'à votre soi absolu. Tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ce que vous aimez, tout ce que vous connaissez, disparaîtra un jour. Savoir cela, et savoir que le monde est une projection de votre mental, dans lequel vous jouez et qui vous fait souffrir, c'est ce qu'on appelle la discrimination. Faites la distinction entre le réel et l'irréel. Ce qui est connu est irréel, va et vient. Alors demeurez dans l'inconnu, la vérité immuable. Tout ce qui apparaît et disparaît n'est pas réel, et aucun nectar n'en sortira. Alors ne vous y accrochez pas. Une fois que vous l'avez lâché, oubliez-le. Soyez comme l'éternité au sein de votre propre être. Abandonnez-vous à la vacuité ou dissolvez votre ego avec la connaissance. Avec amour et dévotion, entrez en vous-même au moyen de l'investigation. Cette recherche est l'abandon de tout effort. Il n'est pas question de retrouver ce qui a été perdu dans le passé, mais simplement de se souvenir du présent, de la présence. Entrez en vous-même si silencieusement que même la pensée est trop bruyante. Restez silencieux en sachant que vous n'êtes pas cet ego qui doit rester silencieux. Ce calme, ce silence, n'a rien à voir avec le fait de parler ou se taire, car même lorsque vous ne parlez pas, votre esprit continue de courir partout. Aucune pensée surgissant de votre mental n'est ce silence. Aucun objet de la conscience ne l'est également. Ce silence est ce qui est conscient de la conscience. L'abandon consiste à vous défaire de votre concept de séparation, de votre ego. L'abandon consiste à soumettre votre stupidité, votre méchanceté, à la volonté de l'existence. C'est tout. Vous devez vous abandonner comme une rivière se jetant dans l'océan. L'abandon consiste à déverser votre rivière de séparation dans l'océan de l'être, à perdre vos limites et à laisser se produire ce qui se produit. Questionnez vos pensées et vos motivations en vous demandant « Pourquoi cette pensée est-elle apparue ?» Les gens confondent la quête du soi avec le yoga et la méditation. Le yoga est l'union avec le sujet intérieur. La méditation est la concentration sur un objet extérieur. La quête du soi n'a aucun rapport avec quoi que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous ne pouvez pas trouver et tuer le mental. C'est un démon à 10 têtes. Coupez-en une et une autre repoussera, car « je suis lié » et « je suis libre » sont exactement le même piège. Seul le désir de liberté vous aidera, car vous êtes ce que vous pensez. Pensez à détruire le mental, et le mental devient un destructeur. Il n'est pas détruit. Ne pensez qu'à la liberté, et vous deviendrez la liberté. Aussi persistante que la douleur d'un mal de dents, pensez toujours au soi, car si le désir de liberté est continu, toutes les autres habitudes et distractions disparaîtront.